T'inquiète, je crois pas Cisco, écoute ça. Eh, pour les maghrébins, maghrébines, ça envoie du lourd. Ok. Je balance ma plume, mes rimes enchaînées, kilo big, feuille de papier, c'est JN du 13 pour rapper, 1, 2, 3, ça va commencer. Salam, salam les gars, est-ce que vous êtes prêts? Je fais des rimes sur des femmes, sur la rime, qui s'enfume avec des scrims, car nous, on n'est pas des PD, car c'est pas enculé, je joue avec des rimes, c'est mon métier, j'écris des flots, ouais, je gros balance ta sono, dans ta Clio, tu t'es framé, tu seras bébé, mon cousin, nous, on fume des joints toute l'année, mais nous, on est défoncé, mais nous, on s'emballait, car nous, on fait la fête, ton père, tes collègues, tu feras mieux dans ta tête. Ici, la hayat, la hef, présent la buzz dans la tête, délicatesse. Viens pas tester, tu vas cramer comme j'ai cramé ma substance innocente. J'rappe le système avec mon rap, game, je vais faire du rap. On dira mon son, que mes déclare quand mon son frappe. Ici, pas de pitié, si tu réné, viens pas t'imposer. Moi, je m'impose sur tes portes, car je suis le boss. Fais quoi, MC qui suce des beats, car ils font la hesse, la pitié. Chez moi, c'est pas autorisé, car moi, je m'autorise le cannabis avec deux bises de ma femme qui me donne la flamme de remonter le sommet pour attraper tout le temps consumé. J'rappe sur tous les instruments, sans faire mal à tous les hems. Mal, eh, JL du 13, Papa Cisco, eh, écoute ça, eh, petit freestyle, eh, yeah, maghrébin, maghrébine, tell the race is back, ok, motherfucker, yeah, le silence ne dort plus car il en a marre de se la fermer, il veut faire régner son droit en ouvrant sa gueule, il se le permet, ça va se fermer, ça va se fermer, dans tous les sens, ça promet, des masques vont tomber, car je ne vais pas chômer, cherche pas l'addition, j'ai brûlé tes billets de banque, si tu pleures comme une rivière, c'est le gun qui frotte ta tempe. Je suis le roi, mon règne ne se trouve pas sur le territoire. Je te promets qu'un jour tu vas te promener sur le périph' noir. Ready, je le suis toujours, j'ai soif de revanche. Mon cœur est détruit, mais il n'est pas à revendre. Trimé pour rien gagner, moi ça me saoule. Dans ma galaxie, je pilote le monde avec mon Samsung. Balèze sur la prod, j'ai pris la relève de Jarod. Si demain je dois raccrocher, je ne tiendrai pas ma parole. Augmente le niveau, c'est le best coup. Signature originale, je ne crois plus au mec tout. Le dégoût des gueules sur l'instru, l'aura des goûts. Fais la une avec ma gueule d'attarder. Je viens de la rue, va dire aux autorités qu'on se fiche de leur uniforme. Ça j'ai des pierres pour un prix, celui d'une vie morte. J'aurais dû gorger Jules Ferry avant de passer le diplôme. Baisse l'éducation nationale tellement elle en rigole. Nique l'école, nique le bac, nique le BTS. En gros nique-toi, 20 années de perdu. Vas-y rhabille-toi, on suit des pays libres. Le drapeau va me servir de PQ. Si t'es en danger, tu peux oublier la sécu. Vous m'avez mis le zèf autour de cette table ronde. Oublie la belle époque de ton patron Thierry Lafonde. Maintenant on est tous des tarés à la Hannibal Lecter. On est tous des barjots à la Dexter. On se ramène tous à l'apéro quand j'entends à table. Ton scud va finir dans un bac à sable. J'suis qu'un skinny boy, pas silly boy, fuck des kitoy. Sortez les foulards pour étrangler les cheeky boy. T'es fou Cisco, tu peux pas faire mieux dans le trash. Mon frelon en ce moment, j'suis trempé dans le cash. Va te faire baiser, c'est explicite hardcore. Des baffes dans ta gueule, des baffes dans ta gueule, j'te remets d'accord. Dans le RAP, j'suis qu'un leader et un player. Mon bazooka va mettre à poil le colonel réel. Va te faire enculer avec ton crit. Ici, y'a pas de politique, c'est logique, c'est magique. Un clic, ton corps va faire chic. Ici, la weed, tu peux fumer si tu t'appelles Ben Aoui. Ici, y'a la bonne gueule, si t'es nerveux. Fume un peu, mon son va te faire planer. Halluciné, tu vas rêver. Tu sais pas si t'es dans un rêve ou la réalité. Malgré ça, tu vas penser à rapper pour sortir des textes sans jabler. Moi, j'suis le diable, est-ce que tu veux me tenter, me tuer? On verra après, car pour le moment, je pense pas que t'es prêt d'oublier ce petit instant. Pour le moment, t'abaisse ton quartier si tu veux pas te faire péter. J'y ai du 13, yeah, Papa Cisco, yeah. Écoute ça, yeah, petit freestyle, yeah. Numéro 1 dans le rap français, frérot, viens là si tu veux te faire clasher. J'suis ici. In the hood, espèce d'enfoiré. Pop, pop, pop, pop, pop.